Sans soleil, que tu ne vas plus croire en Père Noël. Ce n'est pas pour un matin de pluie que tu dois t'enfermer jusqu'à minuit. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles, le monde est rempli de merveilles. Le temps passe dans ta glace, fais-toi beau et dis-toi que la vie est belle. Les nuages, les orages passeront comme les hirondelles. Si tu as raté le train, tu pourras prendre le prochain. Si tu as raté la chance, demain matin tout recommence. Si tu as raté l'amour, défie. Parce qu'une fille s'en va, qu'il faut cesser de rire et de chanter. Ce n'est pas parce que l'hiver est là que tu ne reverras jamais l'été. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles, le monde est rempli de merveilles. Le temps passe dans ta glace, fais-toi beau et dis-toi que la vie est belle. Les nuages, les orages passeront comme les hirondelles. Si tu as raté le train, tu pourras prendre le prochain. Si tu as raté la chance, demain matin tout.